France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Une émission aussi sérieuse que celle de Pierre Dac et Francis Blanche, le parti d'en rire, ne pouvait que mettre à l'honneur la médecine et les médecins. Et donc ainsi porter à la connaissance du public l'existence de l'Association pour la bronchite et la trachéite pour tous. Et encore celle de la Chambre syndicale des glandes. Au programme, bien sûr, la glande illusion. Mais de multiples et variées informations illustraient également cet immense opus. Ainsi, un reportage à l'hospice mannequin, installé dans un couvent de religieuses pâtissières, Louis de Funès en papa gâteau. Cela avait dû faire progresser la médecine le 19 juin 1949 sur la chaîne parisienne. Et voici le parti d'en rire. Qu'est-ce que c'est le parti d'en rire? C'est l'émission du mouvement Memeux. De qui est-ce? De Francis Blanche et Pierre Dac. Avec qui? Toute une équipe de Memeux. Edith Fontaine. François Chevet. Roger Lanzac. Laurence Riesner. Louis de Funès. Claude Herval. Jean Fontaine. Et pour la musique? Le quatuor Gérard Calvi. À la clarinette. Étienne Lorrain. À la guitare. Johnny Savrou. À la batterie. Georges Paquet. Et au piano. Gérard Calvi. Oui, mais dites-moi de qui la mise en onde? Mais Pierre Arnaud de Chassis-Poulet, voyons. Chef opérateur Jacques Poulain. Magnétophone Monsieur Clermont. Directeur politique Francis Blanche et Pierre Dac. Allô, allô, ici Radio Memeu. L'émission que vous allez entendre... Je m'excuse, je n'ai pas vous dire. Oh, Gisèle Paris. Bonjour. Quelle surprise. Ça va bien depuis dimanche dernier? Oui, non, ça va mal. Pourquoi? Non, ça va très mal. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, ça va très mal avec Robert Beauvais. Allons bon. Ah oui, non, aucun coup. Pourquoi? Oh, il m'a fichu à la porte de son émission, là, vous vient plus dormir. Allons bon. Oui, pourtant, je voulais dire une fable de La Fontaine, enfin, comme j'en dis souvent, oui, n'est-ce oui, pas oui. J'avais choisi la plus longue, là. Ah oui. Oui, les animaux malades de la poste, de la piste, de la peste. Peste. Moi, je suis très troublée aujourd'hui. Oui, non, mais il faut pas. Alors, remettez-vous, remettez-vous. C'est ça. J'ai pensé que vous pourriez me laisser dire ma fable. Oui. J'en ai pour une seconde, ça dure 3 minutes. Oui. Bon. Trois minutes. Oui, écoutez, pour l'instant, voyez, ça commence juste, mais si vous voulez vous asseoir un instant, oui, là, prendre un petit verre avec les meumeux, dès qu'on va avoir 3 minutes devant nous, on vous fait un petit signe. Hein? Vous êtes gentil. Petit signe de sincère. Ça se voit tout. D'accord. À vous, mon vieux. L'émission que vous allez entendre sera entièrement consacrée à la médecine. La médecine, du latin medicus, médecin, est en effet de nos jours le seul réconfort et l'unique soulagement d'une humanité souffreteuse et désaxée. Il importait que le parti d'en rire, pour son antépénultième émission, chantât ses louanges. Il importait que nous nous décarcassassions pour être les turiféraires d'un art digne de tous les dithyrambes et de tous les panégyriques. Il importait que la médecine, entité merveilleuse et toute puissante, fût à l'honneur au cours de cette émission. C'est à présent chose faite. Et voici la tribune politique. Attention, 1, 2. Eh bien, mes bons amis, nous sommes particulièrement bien placés pour parler de la médecine aujourd'hui. En effet, monsieur Blanc, je vois que vous avez le doigt enveloppé dans un magnifique pansement. C'est signe certain d'une intervention médicale. Ben, à vrai dire, oui, c'est un panari que je me suis procuré à la foire. À quelle foire? Ben, à la foire de Panari. Ah oui, et à ce que je vois, ça vous donne la fièvre. Eh ben oui, ça, pour ça je ne me plains pas, je vais fêter mon 38e degré. Et ça s'arrose. Ça s'arrose avec de l'alcool à 90, bien entendu. Comment? Je dis, bien entendu. Et non, j'ai pas bien entendu, puisque je vous fais répéter. Ah bon, vous voulez que je répète? Ah non, pas la peine, la deuxième fois j'ai bien entendu. Ah ben alors c'était un malentendu. Et pourquoi vous êtes sourd? Non, et vous? Moi, non, et vous? Non, ça va, vous? Oui, moi, non plus, moi, j'ai une sinusite. Allons bon, une sinusite? Oui, ah oui, je peux dire sans me vanter que j'ai une des plus belles sinusites de France. Mon docteur me l'a affirmé. Ah oui, croyez-vous que je puisse m'en procurer une? Ah, mon cher, c'est absolument impossible, surtout si vous voulez qu'elle deux. Oui, d'ailleurs, remarquez, moi, j'ai mon panard. Oh ouais, puis une seule suffit pour qu'elle soit bonne, hein, aux femmes de ménage. Oui, alors parlons politique, voulez-vous? J'avais. Cette semaine, le parti, dont l'action sociale ne se ralentit pas, lance une campagne contre la barbarie et la brutalité. Mais en effet, n'entendons-nous pas souvent dans les cabarets et les restaurants cette phrase? Maître d'hôtel, un quart champagne bien frappé. Frapper le champagne, coutume digne des sauvages. Et quand le champagne les a frappés et servis, on entend alors? Donnez-moi un fouet que je le batte. Oh, on le bat avec un fouet. Mais comment voulez-vous qu'il ne se fasse pas de mousse? Ce scandale doit cesser. N'admettons pas qu'un de nos meilleurs vins de France soit en but, au sévice et au coup. Arrêtez le martyr du champagne. Ne mettez pas de nous aider dans notre action. Et n'oubliez pas non plus que la première session du Parti d'en rire se terminant dans 15 jours, les demandes d'inscription et de cartes d'adhérents doivent être envoyées avant le 3 juillet au plus tard. Une enveloppe timbrée avec nom et adresse suffit. Vous connaissez les nôtres, le Panari d'en rire, le Parti, ouais. Le Parti d'en rire, 107 rue de Grenelle, Panari 7e. Alors allons, allons. Avant le 3 juillet, attention. Attention, 1, 2. Mieux que l'eau qui fait pchit. Exigez l'eau qui fait flotte. Recommandé par l'Académie de médecine. La grande saison de Paris. Sous le patronage des amis de la bronchite et du groupe La Trachéite pour tous. Une belle manifestation d'art, la nuit de la pluie. C'est en vérité une redoutable gageure qu'ont soutenu les organisateurs de la nuit de la pluie qui s'est déroulée jeudi soir dans les jardins de Bagatelle. En effet, il y a 3 semaines environ, le mauvais temps sévissait sur toute la France. Les bulletins de l'ONM devenaient de plus en plus pessimistes. Prévision pour les prochaines 24 heures et jours suivants. De nuageux à pas bien beau. De pas bien beau à plutôt moche et de plutôt moche à franchement tarte. Le comité des fêtes des amis de la bronchite se réunit d'urgence. Le président, monsieur Jean Passe, de la firme Jean Passe et des meilleurs, prit la parole. Messieurs, jamais l'occasion n'a été plus favorable qu'actuellement pour organiser la grande fête que nous projetons depuis si longtemps. Le temps est épouvantable, la pluie fait rage et il ne semble pas vouloir s'arrêter de sitôt. Les éléments sont avec nous. Je vous propose, messieurs, la date du 16 juin pour la nuit de la pluie. Le projet fut adopté à main plate, à pied levé et à l'unanimité. La nuit de la pluie s'annonçait sous les plus heureux auspices, y compris ceux de Beaune et de Bicêtre. Le trésorier des amis de la bronchite, M. Guy Lanneuf, exultait. Ça marche, ça va être le clou de la saison de Paris, on va refuser du monde. Mais qu'est-ce qui peut dégringoler comme flotte? Ça tombe comme des gravelottes, c'est merveilleux. Et puis soudain, il y a quelques jours, la situation se retourna de fond en comble. Le vent tourna, le ciel se dégagea. Les nuages par rang de quatre regagnèrent leur casernement. Le soleil et la lune se mirent à briller ensemble. Au comité des fêtes des amis de la bronchite, ce fut la consternation. Oh, c'est un désastre! Un magnifique. La température est idéale. Oh. Et l'ONM dit que ça va durer. Un grand concert de lamentation fut même organisé à la salle Pleyel. Mais le président, M. Jean Passe, de la firme Jean Passe et des moins bonnes, car dans l'intervalle il avait changé d'associé, n'était pas homme à se laisser abattre par l'adversité. Messieurs, il y va de l'honneur de notre réputation. Paris et l'étranger ont les yeux fixés sur nous. Il faut faire quelque chose. On pourrait peut-être faire la quête. Ah, je vous en prie, vous n'est-ce pas? Je ne me résoudrai pas à adopter une solution de facilité. Messieurs, envers et contre tout, et en dépit du temps radieux qui nous accable présentement, la nuit de la pluie aura lieu. Bravo! Dans les jardins de Bagatelle, d'immenses échafaudages furent dressés. D'étranges machines furent amenées. Des conciliabules secrets se tinrent dans les bosquets et les fourrés. Alors tu comprends, voilà, tu vas quitter ton enfant. Et puis alors, boum, il s'équipe. Et quand arriva la date fatidique du 16 juin, mesdames, messieurs, une foule compacte se presse actuellement dans les jardins. Plus curieuse et sceptique, je dois le reconnaître, qu'enthousiaste et admirative. Les hommes sont en habit, les femmes en robe du soir, épaules et dos nus. Le ciel est pur, la lune brille, les étoiles scintillent, à part 3 ou 4 qui sont partis en week-end dans d'autres constellations. Mais voici que s'avance monsieur Jean Passe, de la firme Jean Passe et de toutes les couleurs, car il a encore une fois changé d'associé. Il monte sur l'estrade et va parler. Mesdames, messieurs, comme vous le voyez, il fait un temps idéal. Et pourtant, je vous ai promis la nuit de la pluie. je tiendrai ma parole. Que la fête commence. Le spectacle devient alors extraordinaire. Du haut des échafaudages, dont certains s'élèvent à plus de 50 mètres du sol et sur lesquels sont fixés d'énormes réservoirs équipés de gargouilles en forme de pommes d'arrosoir et de rampes à douche, des trompes d'eau s'abattent sur l'assistance qui, surprise au début, manifeste maintenant sa joie et sa satisfaction. 15 voitures de pompiers prennent position. Les lances sont mises en batterie et des centaines de milliers de litres d'eau glacée sont déversés sur les invités qui gloussent de plaisir et de contentement. Un vieux clubman, le fastueux baron d'Ibé, célèbre écurie de course en sac, en pleure de bonheur. Oh, j'aime la belle époque. Ça, c'est de la pluie, de la vraie pluie d'avant-hier. D'énormes électro-aimants installés aux extrémités des échafaudages, des étincelles jaillissent et un épouvantable orage artificiel éclate. Des éclairs aveuglants zèbrent la nuit. Des laquais en livrée de caisse d'épargne agitent des tôles pour faire le grondement du tonnerre. Et voici le clou de la fête. Tout avion volant à basse altitude laisse tomber des tonnes de haricots secs et de pois chiches qui imitent la grêle à s'y méprendre. Et voici maintenant qu'il neige. Ce sont des centaines de kilos de lentilles qui sont ainsi lancés des carreleuils et qui ont été passés une par une et à la main au blanc de zinc bien entendu puisqu'il s'agit d'avions. Des ventilateurs géants entrent à présent en action. Un vent terrible secoue les arbres et renverse les invités qui trempés jusqu'aux os et ruisselant de pluie se roulent avec délices dans la boue et dans les flaques d'eau. Exigez l'eau qui fait flaque. Chers auditeurs, Bagatelle n'est plus qu'un immense marécage. C'est féerique, les habits sont transformés en cache-feu et les robes du soir en cirpilière. Ouf, c'est un enchant de pas. On s'abuse comme des fous. Tout le monde tousse. Des centaines de bronchites se déclarent instantanément. Demandez grog bouillant, cataplasme à la vanille, ventouse au citron. Demandez enveloppement synaptisé, autoplasme à la crème. Un service d'ambulance fonctionne en permanence, s'occupant de la répartition des nombreux invités dans les différents hôpitaux et cliniques de Paris. Achou! La grande nuit de la pluie a été plus qu'une réussite. C'est un triomphe. Les résultats dépassent les prévisions les plus optimistes. À l'heure actuelle, on enregistre 1275 bronchites, 675 congestions pulmonaires, 141 pleurites bidoux dans 75 tripes. En outre, 58 personnes ont péri noyées et 41 ont été carbonisées par la foudre. Donc bien sincères félicitations à l'âme de cette inoubliable fête, monsieur Jean Passe, de la firme Jean Passe et non des moindres, lequel nous prie par la même occasion d'aviser le public de son nouveau changement d'associé. Bravo! Bon, et ben voici les animaux malades de la fête. Un mâle qui non, répond je, la... M'excuse, Gisèle Paris, nous sommes tous très amateurs de La Fontaine, ça, Dieu oui, sait. Évidemment. Mais puisque nous avons dans l'émission Jean Fontaine, Edith Fontaine, c'est ce qui prouve que vraiment on n'est pas contre. Mais pour l'instant, on a quand même quelques petites publicités à passer. Alors si vous permettez, dans quelques instants, c'est promis, les animaux seront malades. Bon, enfin, avec Robert Beauvais, ça avait déjà commencé comme ça. Ah oui, mais nous, nous avons du goût. Nous avons du goût. Un petit coup de gong. Mieux que l'eau qui fait pchit. Mieux que l'eau qui fait floc. Mieux que l'eau qui fait flac. Exigez l'eau qui fait flic. Recommandé pour la circulation. Allons, circulez là. La maison de disques chirurgicaux, le foie de son maître, nous informe qu'elle vient d'éditer Tout le long du bistouri, enregistré par l'Apparatomie et les cœurs de la Scalpel 60. Médecine mentale et vie sociale. La rééducation des grands-papas gâteaux. Cette aimable retraite, blottie parmi les arbres au creux de la vallée de l'Oise et d'où partent chaque jour des milliers de babas et de tartes, c'est l'hospice mannequin où sont rééduqués les grands-papas gâteaux. Il est installé dans un couvent de religieuses pâtissières. Les saintes femmes n'y sont plus. Mais le parfum des pets de nonnes flotte encore dans les couloirs de la vieille demeure. Madame Mannequin, directrice de l'hospice Mannequin, nous parle de son œuvre de rééducation. Le grand papa gâteau n'est ni méchant ni dangereux. Il aime à donner des gâteaux. Le gâteau est à ses yeux une richesse inestimable dont il veut faire profiter. Tenez, venez voir celui-ci. Bonjour, bonjour, grand-père. Vous voulez un gâteau, mon petit? Eh bien, c'est-à-dire, vous avez besoin... Si, tenez. Voulez-vous un éclair ou un chou? Allez, un chou, tiens. Allez, savez-vous manger les choux? Allons. À la mode. Allons, grand-père, tenez-vous tranquille. Tiens, voulez-vous un petit puits d'amour? Ben, vous savez, moi, le... Si, un petit puits d'amour. Petit coquin. Mais... Allez, tiens, pas, prenez-les tous. Non, je vous assure, j'y tiens pas. Vous pouvez les garder, mon vieux. Quoi? Il m'a refusé! À moi! Il m'a refusé! Oh, maladroit! Il ne faut jamais refuser un grand baba gâteau! Vous pouvez le tuer, monsieur, vous pouvez le tuer! Je m'excuse! Mademoiselle Fiotte, emmenez-le! Allez, venez, on va aller pour des gâteaux à la poche! Je m'excuse, c'est terrible, mais comment faites-vous pour les guérir? Eh bien, le docteur William, qu'on appelle le Gros Bill, a mis au point un système de rééducation. Le grand papa gâteau a le culte de la pâtisserie. Il faut, pour le guérir, lui faire abandonner cette religion. Il faut déprécier le gâteau à ses yeux. Aussi ai-je inventé un exercice appelé « tir au flanc » qui consiste à envoyer des parts de flanc à l'aide d'une arbalète vers un but fixé. Ah, et dites-moi, cher docteur William... Vous pouvez m'appeler Gros Bill. Bon, et dites-moi, Gros Bill, on peut assister à une partie de tir au flanc? Oh, mais avec plaisir, tenez, venez donc. Allons-y. Chers auditeurs, nous voici sur le terrain de jeu. Des morceaux de flanc sillonnent l'atmosphère. Vous voyez, grâce au jeu du docteur William, le gâteau qui tombe à terre et roule dans la poussière perd peu à peu de son prestige. Le tir au flanc sape insensiblement le respect de grand papa gâteau pour la pâtisserie. C'est ce qu'on appelle la rééducation par le sport. Docteur, il y a une dame qui vous demande. Elle dit qu'elle s'appelle Paris et qu'elle vient de la part de Beauvais pour dire une fable de La Fontaine. Ah oui. Attendez, docteur, je la connais. Envoyez-la manger des gâteaux et gardez-la le plus longtemps possible. Alors bon, qu'est-ce qui se passe? C'est le grand papa gâteau qui vient de mettre dans le mille. Attention, il recommence. Approchons-nous de la cible, chers auditeurs. Voyons, il prend une portion de flanc, il vise, il tire... Ah, bravo. Encore dans le mille. Allez, encore une fois. Vis, allez. Oh, dégoûtant. Oh, mais c'est pas visé, ce vieux-là. Oh, j'ai du flanc partout maintenant. J'ai tout pris en pleine figure. Le vrai but du tir au flanc est de déprécier le gâteau. Grâce au système du docteur Williams, nous arrivons à une véritable dévaluation du flanc. Peu à peu, les grands papas gâteaux cessent d'y croire et redeviennent des gens normaux. Gloire à la médecine mentale qui patiemment sait atteindre son but. Pas toujours, j'ai pris un flanc dans la... Gloire à cette force puissante qui rayonne en nous éclaboussant de lumière. Et de crème pâtissière. Gloire à ce tir au flanc qui unit le sport à la thérapeutique. Gloire à le speed mannequin que nous quittons confiants et sereins avec de la joie plein le cœur. Et des miettes plein les cheveux. Pour dormir tout l'hiver, s'éveiller au printemps, une seule adresse, l'hôpital Marmottan. Toujours prêt! Toujours vaillant! État d'alerte à la disposition de l'humanité souffrante. Voici le service d'urgence des hôpitaux. Dans les hôpitaux de Paris, toutes les nuits, des hommes jeunes, ardents, qui demain seront de grands patrons, veillent dans le silence et le recueillement. Une jeune fille se présenta, qui dès le son demanda, ah, que c'est le son, son bonne, dit-elle, je veux que tu m'en redonnes. Voilà, on fait les cul. Téléphone. Ouais. pour m'apprendre à jouer du... Allô ? Allô, oui ? Une urgence ? Ça va, on y va. Qu'est-ce que c'est, madame Pluton ? Oh, c'est un homme qu'on a ramassé dans une boîte de nuit. Mais où est-il ? Dans la salle d'examen. Ah ben, il y a l'agent qui a fait le rapport qui vous attend pour vous mettre au courant. Voyons ça. Oulala. Regarde un peu, Salma Lazare, là, Oh, il est un drôle d'état, le copain, dis donc. Où l'avez-vous pêché, ce client, monsieur l'agent ? Alors, on l'a pêché sur le trottoir de ballage vert. Il y a eu bagarre, je crois qu'il a reçu un éclat de rire dans la poche revolver. Oui, merci, on va s'en occuper. Eh ben, on va lui faire une falsaratomie, hein ? Allez, il n'y a pas de temps à perdre. Ça hurle, ça. Le patient est posé à plat ventre sur la table de chirurgie d'urgence. Il est dans le coma d'une part et dans un état d'étilisme avancé d'autre part. On l'attache solidement avec des sangles de dios. Allez, donnez-moi de la benzine, là, vite, pour que je nettoie la plaie. Mets-moi ça à l'aise. Allez, regardez-moi ça. Il en a pris un drôle de coup. L'éclat est entré par le haut de la poche, a ricoché sur le bouton de sûreté et s'est arrêté juste à la couture interne. Allez, à présent, anesthésie du pantalon. Tu t'en charges, Salma Lazare, hein ? Oui. Madame Pluton, donnez-moi une pâte mouille. Là, bien à plat sur le pantalon. Versez dessus un bon demi-sautier de chloroforme. Bon, parfait. Un coup de fer maintenant. Ça y est. Le pantalon est complètement insensible, docteur. Bon, ça va. Alors, apportez-moi mes instruments d'urgence. Merci. Manche à gigot. Non, pas celui-là. Pensez à celui d'urgence, à virole. Pensez à Itoff. Merci. L'interne découvre rapidement la poche revolver. Ça résiste. Passez-moi une sonde à tissu. Salma Lazare. Enfonce un coup de fil, là, entre les fils du milieu. C'est ça. Attention, tu vois bien que c'est un pantalon à carreaux. Doucement! Ah, bien. Un cassé, un. Et vite, une ligature. Fil de fer, vite. Le fond du pantalon fout le camp. Là, ça va. La poche est maintenant complètement dégagée. Deux fils encore à sectionner. Voilà qui est fait. Sur l'emplacement de la poche amputée, on place une feuille de zinc stérilisée de la même dimension. On recouvre avec de la toile de sac à pansement, 6 agrafes, 4 boutons en pression, une fermeture éclair. C'est fini. Et voilà. La chirurgie d'urgence a une fois de plus sauvé un homme. Les deux internes, avec la calme confiance du devoir accompli, vont reprendre leur garde vigilante et se livrer à la méditation des hautes spéculations intellectuelles en rapport avec les nouvelles tâches qui les attendent d'urgence. Bon, eh bien, puisque vous insistez, voici les animaux malades de la peste. Ah, bravo, Gisèle Paris, bravo. Nous vous écoutons. Les animaux malades de la peste. Un mâle qui répond la terreur. Gisèle Paris. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous aimez les romans ? Oh oui. Vous aimez les documentaires ? Oui. Il y a aussi un documentaire romancé. La chambre syndicale de la médecine des glandes, en collaboration avec les productions Scalpel et Santé, présente un nouveau documentaire romancé, La glande illusion, réalisé avec le concours de nombreuses vedettes de la radio et du disque. C'est une production Glandula Film. Riquet, jeune médecin, marche au long des rues, l'air songeur. Indifférent au monde qui l'entoure, il va. Et ses lèvres prononcent des mots sans suite. Vous savez, c'est affreux. Condamné. Oh mon Dieu. Ah ! Alors quoi, tu rêves, mon pote ? Et Riquet reprend sa marche. Le soir est tombé. Les enseignes s'allument. Une horloge qui sonne lui rappelle son rendez-vous avec Rosine. Et quelques instants plus tard, au cabaret existentialiste du Trou d'Égout... Mon chéri! Mon amour! Je te trouve l'air soucieux ce soir! Oh, ça se peut bien! T'as des ennuis? Je peux pas te les dire! Alors, tu m'aimes pas? Si, justement! C'est pour ça! T'es malade! Oh, c'est rien! Allez, Rosine! Adieu! Il s'est levé, Rosine le rejoint dans la rue obscure. Riquet! Laisse-moi, je ne dois plus te revoir. Qu'est-ce qui va pas? Non, rien, une glande. Une glande? Laquelle? Hypophyse, thyroïde? Parle! Tu sais que je suis infirmière, bah parle, Riquet! La glande, illusion. Adieu, Rosine. Rosine est restée seule. La glande illusion? J'ai pas encore étudié ça. Faut que j'aille vers le patron demain matin. Mon petit, tu vois toujours mes bestioles, le rhinocule, le rhume des foins. Pauvre bête. Enfin, c'est pour la science. Et qu'est-ce qui t'amène? Eh ben voilà, patron. Mon fiancé est atteint d'une déficience bizarre de la glande illusion. Vous connaissez ça? La glande illusion, bigre. C'est grave? Ah, c'est surtout grave quand c'est aigu. Et qui peut soigner ça? Eh bien, il y a un spécialiste de ces glandes en Italie, à Vérone, le professeur Alfa Romeo. Une deuxième pour Vérone. Vérone, la petite ou la grande? Faites une moyenne. Mon petit, je suis le grandissimo spécialiste de la grande illusione. Votre petit ami, il a besoin d'une injection de glandes fraîches prises sur un sujet dont l'illusion est trop développée. Trouvez ça et vous le guérirez. Ça fait 200 lire. Mais payez-moi un dollar, hein? Pendant ce temps-là, Riquet subit les attaques de son mal affreux. Sa glande d'illusion s'atrophie. Il est désabusé. Des refrains sans joie chantent à ses oreilles. On ne pourra plus de Père Noël. J'ai pas là. Il fréquente des restaurants spéciaux où les désillusionnés mangent sans parler une cuisine ignoble et sans sauce. La sauce, c'est encore de l'illusion. Mais voici que, de son côté, Rosine a trouvé celui qu'elle cherchait. Une étoile m'a dit, deux étoiles m'ont dit, connais-tu le pays du rêve? Un jeune poète, trop plein d'illusions, lui fournira un peu de glande fraîche. C'est joyeux, les beaux jours sont courts au pays d'amour et les nuits. Passez-moi le tire-bouchon. Parfait. Penchez l'oreille au-dessus de l'assiette. Voilà. Attention, les ciseaux. Voilà. J'en prends un bon morceau. Reprenez tout, madame. Chez moi, l'illusion se reforme tout de suite. Voilà. Une livre et demie. Ça ira. Qu'est-ce que je vous dois? Non, rien, madame. L'argent ne fait pas le bonheur. Le travail, c'est la liberté. On peut se nourrir de l'air du temps. Eh ben, je vois qu'elle a déjà repoussé votre illusion. L'eau grise, qui rise, les reflets du matin. Au bord du canal, Riquet songe à la mort. Mais voici qu'un taxi s'arrête près de lui. Riquet! Comment savais-tu me retrouver ici? J'avais lu la fin du scénario. Viens. Où ça? Chez le docteur. Tu es sauvé! Oui, jeune homme, vous êtes sauvé. grâce au jeune poète qui vous a donné son illusion. Et grâce au professeur et Alfa Romeo, le grandissimo spécialiste, payez-moi en dollars. Riquet, tu es sauvé. Oh, Rosine, l'amour peut tout faire. Vous l'entendez? Sa glande illusion fonctionne à nouveau. Glande illusion, glande à sécrétion interne, grand ressort de l'organisme humain. Toi, sans qui la vie ne serait que ce qu'elle est. Illusion, puissance magique et formidable. Formidable, pour faire un tour sur la mer. Formidable. Et les deux jeunes gens s'éloignent, mêlant leurs amours et leurs illusions sous le soleil clair. La joie de vivre qui m'enivre sous le soleil clair. Et je répète sous le soleil clair. Formidable, formidable, formidable. Formidable. Et c'était le parti d'Henri. Qu'est-ce que c'est le parti d'Henri? C'est l'émission du mouvement Meumeux. De qui est? De Francis Blanche et Pierre Dac. Avec qui? Toute une équipe de Meumeux. Edith Fontaine. François Chevet. Roger Lanzac. Laurence Riesner. Louis de Funès. Claude Herval. Jean Fontaine. Et pour la musique? Le quatuor Gérard Calvi. À la clarinette. Étienne Lorrain. À la guitare. Denis Abrou. À la batterie. Georges Paquet. Et au piano? Gérard Calvi. Oui, mais dites-moi de qui la mise en onde? Mais Pierre Arnaud, le châssis poulet, voyons. Chef opérateur, Jacques Poulain. Magnétophone, Monsieur Clermont. Directeur politique, Francis Blanche et Pierre Dac. Mais dites donc, mais alors c'est la fin? Mais oui. Mais alors, et ma table? Oh, mais je ne l'ai pas dit. Mais c'est bête, on a oublié ça. Oh, les animaux malades de la peste. Attendez, Anna qui répond non, à la question. Non, mais je m'excuse, Gisèle Paris, mais c'est fini maintenant. C'est l'heure. Fini, mais c'est l'heure du magazine de la radio. L'heure du magazine de la radio? Oh, mais vous ne vous débarrassez pas comme ça de moi. Attendez, je vais y aller, le magazine de la radio. Mais non, mais rattrapez-la, mais rattrapez-la, voyons. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 19 juin 1949. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.